Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesso, J. de Gigor, éditeur, 1913. La tiédeur. Le sujet de cette méditation, comme celui de la méditation précédente, demande naturellement plus de développement que les grandes vérités. Celles-ci, en effet, frappent par elles-mêmes, elles ont je ne sais quoi de saisissant qui s'empare de tout l'homme, pour peu que l'on cherche à s'en pénétrer. Il n'en est pas ainsi de la tiédeur et du péché véniel, dont on ne comprend la malice et le danger que par une suite de raisonnements. On ne sera donc pas étonné que ces deux méditations soient présentées plus longuement, et qu'elles aient peut-être, pour la forme, quelque rapport avec une lecture méditée. L'oraison préparatoire ordinaire. Premier prélude. Je me représenterai notre Seigneur Jésus-Christ me découvrant son divin cœur et me répétant ses paroles qu'il adressa un jour à sa fidèle servante, la vénérable Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consumer, pour leur témoigner son amour. Et celle qu'il dit à ses disciples, « Je suis venu jeter sur la terre le feu de l'amour divin, et que désirais-je, sinon qu'il s'allume dans tous les cœurs ?» Luc 12, 49. Second prélude, « Je demanderai à notre Seigneur, par son cœur sacré, la grâce de n'être point sourd à des paroles si capables de m'embraser de son amour. » Premier point, de la nature, des signes et des causes de la tiédeur. 1. Nature de la tiédeur. Il y a des rapports entre la tiédeur et le péché véniel, mais il y a aussi entre l'une et l'autre deux différences essentielles. Premièrement, la tiédeur est un état, le péché véniel est un acte. Deuxièmement, le péché véniel est mauvais positivement. La tiédeur a deux éléments distincts, dont l'un seulement a une malice positive, c'est la chute fréquente dans le péché véniel, ou l'affection à un certain péché, ou l'omission réfléchie et coupable des moyens de l'éviter. L'autre élément n'est qu'une imperfection, c'est l'absence habituelle d'actes généreux, le dénuement de toute vertu solide, une fade médiocrité dans toutes les bonnes œuvres et dans la manière de s'acquitter des devoirs de son état. Ces éclaircissements étaient nécessaires pour ôter aux âmes timorées tout sujet de confondre avec la tiédeur les sécheresses, les aridités et tout ce que l'on appelle, dans la vie spirituelle, état d'épreuve. 2. Signe de la tiédeur. Ne faire aucun cas des péchés véniels et ne craindre que les mortels. S'acquitter de ces exercices spirituels par routine, par respect humain, avec dégoût et avec une négligence réfléchie et consentie. Prier habituellement sans attention, confesser ses fautes légères sans la résolution sérieuse de les éviter, communier sans dévotion et sans faire des efforts doux et modérés pour l'obtenir. Faire ses actions journalières sans intention, sans ordre, sans méthode. Se répandre au dehors, être rarement présente à soi-même, plus rarement encore avoir Dieu présent. Renoncer à l'exercice des grandes vertus, même de celles dont la pratique convient à notre état ou à notre position, se contenter d'un état de médiocrité, éviter le commerce de ceux qui travaillent avec ardeur à leur perfection, rechercher de préférence la compagnie de ceux qui sont plus dissipés, moins fervents et moins réguliers. Se former une conscience erronée, dont les directeurs et les supérieurs ont souvent blâmé le manque de délicatesse, et s'appuyer sur de faux principes pour imposer silence aux remords de sa conscience. Malgré l'usage, fréquent peut-être, des sacrements, ne pas laisser de nourrir intérieurement des aversions, des jalousies, des mouvements d'orgueil, des affections particulières et dangereuses, un esprit d'aigreur, d'insubordination et de médisance qui se manifeste par des paroles mordantes et contentieuses, continuer à entretenir un secret amour propre, qui, se mêlant à toutes nos actions, les corrompt et les infecte de son venin, enfin ne montrer que de la lâcheté pour tout ce qui est travail et abnégation de soi-même, et ne rechercher que ses aises, des consolations futiles et le repos. Telles sont les marques certaines de la tiédeur, si je les reconnais en moi, je ne puis en douter, et je dois me l'avouer sans déguisement, je suis tiède. 3. Cause de la tiédeur. Première cause de la tiédeur, faire les actions qui en sont les marques. Seconde cause, souvent ignorée, mais bien réelle de la tiédeur, résister obstinément à la volonté ou au bon plaisir de Dieu clairement manifesté, au sujet d'une détermination importante pour notre sanctification, par exemple, être sourd à la voix de la grâce qui nous appelle à la vie religieuse, reculer indéfiniment devant le sacrifice d'une affection trop vive, qui est pour nous la source d'une foule d'imperfections. Ne pas se résoudre à prendre un moyen que notre confesseur ou notre supérieur nous a recommandé comme unique remède à un penchant vicieux, à une occasion dangereuse. Se refuser à la pratique d'un certain ensemble de bonnes œuvres que les circonstances semblent exiger de nous et d'où résulterait un grand bien. Car, dans tous ces cas, nous nous mettons, par notre manque de correspondance à la grâce, en dehors des voies de la divine providence pour suivre les nôtres, nous nous soustrayons à sa conduite paternelle pour nous conduire nous-mêmes, et nous nous rendons peu dignes des grâces de choix que sa bonté nous préparait. Troisième cause, très commune, de la tiédeur, mépriser les petites choses. Voilà par où l'on commence à dégénérer. On oublie, dans la pratique, qu'il n'y a rien de petit dans le service de Dieu, que la perfection consiste le plus souvent dans les petites choses, car les grandes s'offrent rarement, et les autres sont de tous les jours et de tous les instants, que c'est d'ailleurs une très grande chose d'être continuellement fidèle dans les moindres, et enfin que ce sont les petites victoires qui assurent les grands triomphes, selon la parole du Sauveur. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Oh, si j'avais toujours eu dans les petites choses la même fidélité que dans les premières années de ma conversion. Second point, effet de la tiédeur. 1. La tiédeur produit les mêmes effets que le péché véniel, mais, pour ainsi parler, plus en grand, c'est-à-dire d'une manière plus désastreuse. Ainsi, elle souille l'âme, mais d'une souillure qui la rend plus difforme aux yeux de Dieu, elle diminue le mérite de nos bonnes œuvres, mais les pertes qu'elle nous cause sont bien plus préjudiciables, elle conduit au péché mortel, mais par une pente bien plus rapide sur laquelle il est beaucoup plus difficile de s'arrêter. 2. Outre ses effets communs au péché véniel et à la tiédeur, il en est un particulier à celle-ci, et qui est beaucoup plus à craindre, c'est l'obstacle qu'elle oppose à la guérison de l'âme, et cela pour deux raisons. Premièrement, en premier lieu, pour porter remède à un mal, il faut croire à son existence. Mais celui qui est tiède ignore qu'il est tiède, au moins ne connaît-il pas la gravité de son mal. En effet, quoique l'âme tiède s'acquitte avec une négligence notable de ses exercices spirituels, elle ne les abandonne pas entièrement, elle fait de temps en temps quelques bonnes actions moins mal que de coutume. Le masque de la vertu qu'elle conserve encore l'empêche de comprendre le malheur de son état, d'où il suit que la pensée, et surtout la nécessité d'en sortir, ne se présente pas même à son esprit. Aussi est-ce à l'âme tiède que Dieu adresse ce reproche dans l'Apocalypse. Vous dites, « Je suis riche, je suis comblé de biens, et je n'ai besoin de rien, et vous ne savez pas que vous êtes pauvre, misérable, aveugle et nu. » Apocalypse 3:17. L'aveuglement de l'âme est donc l'effet ordinaire de la tiédeur, et la première cause de la difficulté de sa guérison, car reconnaître que l'on est tiède, c'est commencer à être fervent. Deuxièmement, en second lieu, la tiédeur paralyse les remèdes les plus efficaces. Les méditations, les examens de conscience, les confessions, les communions, la célébration des saints mystères, les retraites, les récollections se font sans fruit, parce qu'ils se font avec langueur. Or, des œuvres saintes faites avec négligence ne sont point un remède pour l'âme. Les fautes que nous y commettons peuvent même aller jusqu'à nous attirer l'anathème de l'Esprit Saint. Maudit celui qui fait négligemment l'œuvre du Seigneur. Jérémie 48, 10. Une grâce de choix, une grâce forte et puissante pourrait encore, je l'avoue, réveiller cette âme languissante de son assoupissement. Mais, ici même, n'y a-t-il pas lieu de craindre que la paresse et la lâcheté de cette pauvre âme ne neutralisent ce souverain remède, et qu'il n'ait pas plus d'action sur elle qu'une pierre lancée, même avec force, contre un corps mou et sans résistance? D'ailleurs, cet engourdissement de cœur, cette insensibilité de conscience, cette continuelle dissipation d'esprit, cette inattention à Dieu et à elle-même lui permet-il de remarquer les grâces excitantes que Dieu lui envoie? Tout est facile à Dieu, et il éprouve, ce semble, de la difficulté à changer un cœur tiède, il ne sait comment le prendre, il est sur le point de l'abandonner. Je sais quelles sont vos œuvres, je sais que vous n'êtes ni froid ni chaud, que n'êtes-vous ou froid ou chaud. Mais parce que vous êtes tiède, et que vous n'êtes ni froid ni chaud, je suis prêt de vous vomir de ma bouche. Apocalypse 3:15, 16. Et l'expérience faisait dire à Saint Bernard, vous verrez plus facilement un grand nombre de séculiers renoncer au vice et embrasser la vertu, qu'un seul religieux passer d'une vie tiède à une vie fervente. Saint Bernard lettre 96 à Richard. Il n'est pas rare, en effet, que de grands pécheurs se sentent vivement touchés et sincèrement convertis à la vue d'un crucifix, à la pensée du jugement, de l'enfer, de l'éternité, tandis que celui qui est tiède, habitué à méditer sans ferveur les vérités éternelles, en est aussi peu touché que ne le sont de l'aspect de la mort ceux qui assistent tous les jours des mourants. Tel est le mal de la tiédeur. Il faut l'avouer, il est grand. Mais n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il pas un médecin? Pourquoi donc ma blessure n'est-elle pas fermée? Jérémie 8, 22. Et pourquoi refuser plus longtemps d'entreprendre ma guérison? Troisième point, remède de la tiédeur. Ils se réduisent à quatre, connaître, vouloir, agir, prier. Premièrement, connaître. Pour guérir une maladie, il faut la connaître, pour porter remède à la tiédeur, il faut reconnaître que l'on est tiède. Faites, Seigneur, que je me connaisse. Deuxièmement, vouloir. Cette condition est aussi rigoureusement requise que la première. C'est surtout dans l'œuvre de la sanctification de l'homme que Dieu exige la coopération de sa créature. Dieu qui vous a créé sans vous, dit saint Augustin, ne vous justifiera pas sans vous, c'est-à-dire sans votre volonté. Saint Augustin, Sermon 15. Du reste, ce qui doit m'inspirer un grand courage, c'est que la volonté de l'homme, dans l'affaire dont il s'agit, n'est pas moins puissante que nécessaire. Aidé de la grâce divine, il n'y a rien de si difficile que je ne puisse entreprendre avec confiance et exécuter avec succès. Il m'est permis de répéter avec le grand apôtre, « Je puis tout en celui qui me fortifie. » Philippiens 4, 13. Troisièmement, agir. L'action est la preuve certaine d'une bonne volonté, mais que dois-je faire? Puisque les contraires se guérissent par les contraires, je dois détruire en moi les causes de la tiédeur en les attaquant par des principes tout opposés. Par exemple, je dois reprendre tous les exercices dont l'omission m'a été si préjudiciable. Apocalypse 2, 15. Je dois les faire avec toute l'exactitude, toute l'application et tout le soin dont je suis capable. Je dois ne manquer à aucun devoir de mon état, pas même au moins important en apparence, surmontant toutes les difficultés et m'élevant avec courage au-dessus de toutes les répugnances. Outre ces remèdes généraux, en voici quelques-uns qui sont tous spéciaux. Premièrement, tous les matins, une méditation fervente pendant un temps déterminé. Deuxièmement, dans la journée, une lecture spirituelle d'un quart d'heure au moins dans un livre d'une doctrine solide. Troisièmement, tous les soirs, l'examen de conscience, général et particulier. Quatrièmement, tous les mois, une heure environ de récollection ou de retour sur soi-même. On peut partager ce temps entre la lecture, l'examen et la considération. Quatrièmement, prier. La prière est nécessaire, la prière est efficace. Mais, au lieu de nous arrêter à des vérités connues, il nous sera plus utile de considérer avec quelles instances notre Seigneur Jésus-Christ prie et conjure lui-même l'âme tiède de sortir enfin de son état déplorable et de revenir à son ancienne ferveur. Rien n'est plus touchant, rien n'est plus tendre que ces paroles. On sent que le Sauveur s'adresse à une âme qui n'a point encore encouru sa disgrâce, et qu'il regarde toujours comme une épouse. « Je vous conseille, lui dit-il, ce n'est point là le langage d'un maître, je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour vous enrichir, et des vêtements blancs pour vous habiller et pour cacher votre nudité. Appliquez-vous aussi un collier sur les yeux, afin que vous voyiez l'état où vous êtes et ce que vous devez faire pour en sortir. Je reprends et je châtie ceux que j'aime. » Animez-vous donc de zèle, et faites pénitence. Car me voici à la porte, et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. Quiconque sera victorieux, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai été moi-même victorieux, et suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 18 à 21. Comment ne point me rendre à des paroles si touchantes et à de si magnifiques promesses? Colloque. Le colloque au Sacré-Cœur de Jésus, pour lui demander la vigilance et la ferveur. Accordez-moi toujours, Seigneur, la crainte et l'amour de votre saint nom. Car vous ne cessez jamais de gouverner ceux que vous établissez sur le fondement solide de votre divine charité. Récitez la prière, âme de Jésus-Christ, en s'arrêtant quelques secondes après chaque invocation et demande, puis le Pater et l'Ave. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.